Ah oui, alors ça, c'était les luthiers paysans. C'est-à-dire que les paysans, étant donné que l'hiver est long dans ces pays, les gars, ils s'étaient mis à faire aussi de la lutherie pendant les longues soirées d'hiver. Dès qu'ils avaient fini de s'occuper de leurs bestiaux, ils faisaient également de la lutherie. C'était les viols ordinaires qui étaient faits par cette classe de gens qui travaillaient aussi bien la terre que d'ailleurs, c'était le même problème pour les luthiers de Mirecourt même, puisqu'il y avait l'histoire du lundi avec le paquis, où ils travaillaient la terre, mais ils travaillaient simplement une journée ou deux journées, puisqu'il y avait le dimanche. Mais les paysans, eux, c'est leur principale occupation, c'était donc la terre. Mais à côté de ça, pendant les longues soirées d'hiver, là, ils faisaient également de la lutherie.